Fin février 2003. Chapitre 39e. Perquisition. Dutilleul redoutait toujours les interpellations et plus encore les gestes inconsidérés, mais heureusement pour lui, seul l'un des garçons offrit une certaine résistance. Il tenta même à un moment de se barricader, mais il fut stoppé net avant et rapidement maîtrisé. Autre chose, à son manque de surprise, Dutilleul identifia immédiatement Deserre, même si celui-ci, contrairement à ce qu'il lui avait écrit, ne tremblait pas. Aussi put-il laisser embarquer la récolte pour le commissariat. Il les verrait un tout petit peu plus tard. Toutefois, il ne put s'empêcher de penser qu'ils étaient bien jeunes. Avait-il seulement conscience de ce qui les attendait? Sûrement pas. Il prit sans retard la direction des Tournelles. Malgré le peu de distance, il se fit conduire. Les minutes étaient précieuses. Il fut satisfait de voir, en arrivant devant l'établissement, que Viard avait tenu parole. Les équipes d'intervention étaient rangées en bon ordre, et dès son arrivée, on lui tendit un mandat, sans même qu'il ait eu à le demander. Il jeta tout de même un rapide coup d'œil. Toutes les signatures étaient dûment apposées. La procédure était donc parfaitement légale. Il pouvait maintenant tranquillement réveiller Madrier. Ayant auparavant pris ses renseignements, il savait que celui-ci avait un logement de fonction au sein même de l'établissement. Seulement, il ne savait pas très bien où se situait le dit logement. Aussi fit-il réveiller le concierge qui ronflait lourdement. Au bout de quelques minutes, un homme d'une soixantaine d'années parut et donna d'assez mauvaise grâce le renseignement demandé. Puis, comme s'il n'y pouvait plus tenir, il ajouta « Je savais bien que ça finirait comme ça. Il n'y a rien à attendre de bourges comme ça. » Dutilleul enregistra soigneusement la remarque. Il ne serait peut-être pas inutile de l'interroger plus tard. Madrier disposait d'un assez joli pavillon, bien séparé de l'établissement. D'extérieur, Dutilleul jugea qu'il n'y avait certainement pas plus de 3 ou 4 pièces. C'était une construction basse à un étage. Le toit avait des tuiles vernissées. Côté droit, il y avait un tout petit jardin attenant qui était bien entretenu. Dutilleul se dit in petto qu'il ne devait pas être désagréable en été, surtout qu'il n'y avait aucun vis-à-vis. Côté gauche, il y avait une cour pavée qui tenait lieu d'aire de stationnement. Comme il s'y attendait, une prétentieuse décapotable trônait en plein milieu, mais la voiture avait sa capote de protection, signe qu'elle ne devait pas beaucoup servir. De l'esbrouf, uniquement de l'esbrouf. Pour sa part, Dutilleul trouvait la chose du plus parfait ridicule, mais après tout, il frappa à la porte un certain temps avant qu'il y ait la moindre réaction. Toutefois, ses efforts finirent par être couronnés de succès, car le maître des lieux, les cheveux en bataille et vêtu d'un pyjama à l'effigie de Snoopy, finit par paraître. Il n'était pas rasé, et le contraste avec Dutilleul, impeccable malgré l'heure matinale, était saisissant. Si Dutilleul n'avait pas été aussi tendu, il en aurait probablement ri, mais l'heure n'était pas à la distraction. Il fallait faire très vite. Aussi, c'est d'une voix très froide qu'il annonça « Police, levez et rassemblez tout le monde, c'est une perquisition !» Madrier le regarda un instant, ébahi avant de rapidement se reprendre. Visiblement, les connexions commençaient à se faire. « Laissez-moi le temps de m'habiller, puis montrez-moi le mandat. »« Pour ce qui est du mandat, le voici. Quant à vous habiller, il n'est plus temps. On vient d'appréhender 5 de vos pensionnaires. Ils s'apprêtaient à saccager une villa. Quoi ? Vous devez plaisanter. Je peux vous assurer. Vous allez réveiller tout le monde, vous m'entendez ? Je veux que toutes les chambres soient évacuées. Vous avez 10 minutes. Ensuite, vous ferez procéder à l'appel. Vous avez des manquants ? Oui, 4 ou 5 sont retenus dans leur famille, malades. » répondit hargneusement Madrier, qui commençait enfin à réaliser que la situation était grave. « Mais je vous préviens que s'il s'avère, oui, je sais, vous ne me louperez pas. Mais vous savez, dans ma profession, comme dans la vôtre, on a l'habitude des menaces. »« Gaston !» hurla alors Madrier. « Fais évacuer !» Mes hommes vont l'accompagner. « Quoi ? Vous ne me faites pas confiance ? Sachez, monsieur Madrier, que mon action ne vous vise en rien, malgré tout ce que vous pourriez penser. Je sais que vous avez été abusé. Abusé en quoi ? Vous le saurez bien assez tôt, et croyez-le bien, j'en suis le premier désolé pour vous, car cette affaire risque bien de vous ébranler. Sachez cependant que je me devais de mettre un terme à tout cela. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Enfin, vous voulez un café ? Je crois que j'en ai besoin pour me clarifier les idées. Non. Oh, ne vous inquiétez pas, il est déjà prêt. C'est celui de Gaston. Il n'est pas très bon. Mais c'est juste ce dont j'ai besoin en ce moment. Alors c'est d'accord. Vous n'allez pas fouiller sa loge, au moins. Moi, je vous dis ça, parce que ça risque de le traumatiser plus qu'autre chose. Ici, il fait partie des murs et je n'ai jamais grand-chose à lui reprocher, même si je sais très bien qu'il ne m'aime pas. Que voulez-vous ? J'ai toujours refusé de scolariser le moindre membre de sa famille. C'est peut-être dur, mais j'ai des comptes à rendre et mon établissement n'est pas une œuvre de bienfaisance. Je sais que ma famille est très pauvre, mais s'il fallait secourir tous les mendiants que l'on trouve sur le pas de sa porte, on n'en finirait pas, et la famille ne me ferait pas de cadeau. Dutilleul préféra pour sa part ne pas commenter. Il venait sans doute de faire l'économie d'un entretien. Il préféra se laisser guider dans la minuscule loge du concierge. Comme Dutilleul s'y attendait, elle était assez délabrée. Les murs étaient jaunis, et l'endroit dégageait une forte odeur de renfermé. Le bureau était sale, taché en de multiples endroits. Un gros registre écorné ainsi qu'un stylo accroché par une ficelle grossière prenaient quasiment toute la place. Par curiosité, Dutilleul jeta un regard à la date. C'était pourtant bien celui de l'année en cours. Madrier disparut un instant pour revenir avec deux tasses à peu près propres. Sans doute venait-il de les laver, car elles étaient encore un peu humides. Puis, il saisit avec précaution une cafetière en fer blanc d'où sortit un liquide noirâtre. Comme l'avait du reste annoncé Madrier, le café était exécrable, particulièrement amer, mais tout aussi curieusement, il fit du bien à Dutilleul. Sans doute parce qu'il était chaud. Il essaya de le boire d'un trait, pour ne pas trop en sentir le goût. Décidément, ce ne serait pas ce jour-là qu'il ferait ami-ami avec ce breuvage. Il préféra toutefois ne pas y penser, surtout que Madrier avait fini lui aussi. Il était temps de gagner le bâtiment principal, dont à présent toutes les lumières étaient allumées. Dieu merci, tout avait l'air de se dérouler dans le calme. Les élèves commençaient à présent à se rassembler sous le préau. Heureusement, tous avaient de grosses robes de chambre. Les professeurs étaient à part, dans un coin, se frottant les mains. Visiblement, les commentaires allaient bon train, mais Dutilleul s'en moquait complètement. Les rangs se formaient à présent, et dans quelques minutes, l'appel allait commencer. Dans le même temps, on s'affairait en cuisine, car Madrier avait ordonné que le petit déjeuner soit servi le plus rapidement possible au réfectoire. Enfin, résonnèrent des voix à demi enrouées, auxquelles répondirent bientôt des murmures. Les petites sections semblaient terrifiées, et Dutilleul décida de les libérer au plus vite, sachant très bien qu'elles n'avaient absolument rien à voir avec l'affaire. Bien sûr, vu l'heure, il était inutile de recoucher les enfants, mais il n'était peut-être pas nécessaire de leur faire prendre froid. Aussi, il fit signe aux professeurs concernés de leur faire gagner le réfectoire. Pendant ce temps, l'appel continuait, et bientôt, 5 absents furent repérés, et Madrier changea immédiatement d'attitude, tant il semblait scandalisé par ce qu'il prenait pour rien de moins qu'une trahison. Aussitôt, les dossiers scolaires ainsi que leurs précieuses photos furent communiqués à Dutilleul. Ainsi, maintenant il savait parfaitement à qui il avait affaire, ce qui était un avantage indéniable. Il pouvait donc commencer à se réjouir. Cela se passait finalement mieux que prévu. Toutefois, il ne put s'empêcher de tendre l'oreille quand il entendit le nom de Thérèse Turandot. Bien sûr, il ne la vit pas, elle était perdue dans la masse, et ne devait pas avoir une folle envie de se montrer. Dutilleul n'en fut même pas déçu. Il savait parfaitement à quoi s'attendre. Il n'en réclama pas moins son dossier. Madrier, anéanti, ne fit aucune remarque. Il se sentait trop coupable. Surtout que les manquants étaient de bons éléments. Dutilleul put donc regagner sereinement le commissariat. On ne manquerait pas de l'informer sur les résultats de la perquisition. Plus tard, il prendrait le temps de recevoir Madrier, mais pas maintenant, même s'il savait très bien que celui-ci en avait gros sur la patate. En tout cas, cela confirmait ce qu'il pensait depuis longtemps. Madrier n'était pas un salaud intégral. Il aimait sincèrement ses pensionnaires. Dutilleul demanda à l'agent qui le conduisait de ne pas se presser. Il voulait finir d'ordonner ses idées, même si sa stratégie était arrêtée depuis très longtemps. De serre, il pouvait encore l'appeler ainsi. Ce serait probablement l'une des toutes dernières fois. L'avait sacrément bien aidé. Il ne manquerait pas d'en faire part au juge en charge de l'affaire. S'il avait bien compris, c'était le juge Richaud qui était en charge du dossier. C'était un bon choix. Richaud était fin et il serait sensible à ses arguments. Ils se connaissaient depuis longtemps, et chacun connaissait la valeur de l'autre. Décidément, Viard ne se débrouillait pas si mal, du moins quand il s'en donnait la peine. Une fois de plus, Dutilleul loua le travail de ses équipes. Girardin, Bellegarde et Lémurier s'étaient encore distingués. Naturellement, pour Bellegarde et Girardin, la surprise était moindre, mais Lémurier était sur le bon chemin, même s'il avait encore beaucoup à apprendre. Thérèse Turandot l'avait joué un peu trop facilement, mais avec le temps. Dutilleul ne repassa pas par son bureau quand il revint au commissariat. Aussi ne put-il pas tout de suite prendre connaissance du message de félicitations que lui avait laissé Viard. En revanche, il fut très surpris de trouver celui-ci à pied d'œuvre. Sans même qu'il eût à le demander, Dutilleul eut la satisfaction de voir que les 5 prévenus avaient été soigneusement séparés. Il leur jeta machinalement un coup d'œil, mettant définitivement un nom sur chacun. Toutefois, le plus jeune, un certain Philippe Touvenot, lui fit froid dans le dos. Dutilleul revérifia son dossier. Il venait tout juste d'avoir 15 ans. Dès qu'il le vit, il sut exactement à quoi s'en tenir. Il aurait beau s'escrimer, il ne tirerait jamais rien de lui. Tout dans son allure l'annonçait sans embâge, c'était un dur. Déjà complètement replié sur lui-même, prêt à ne rien lâcher. Bref, le gosse qui n'avait déjà dû en voir de sévère. Pourtant, il avait vraiment une tête d'ange. De grands yeux bleus, des cheveux bouclés, une peau de pêche sans boutons, un corps plutôt malingre, mais que l'on devinait musclé. Ce qui marquait le plus, c'était l'extrême crispation des mâchoires qui n'annonçaient généralement rien de bon. La communication serait difficile. Le gosse avait déjà compris, ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Dutilleul consulta à nouveau le dossier. Comme il s'y attendait, le nom de la personne à prévenir en cas de problème était différent de celui de l'enfant. Une certaine Germaine Lagarde. Vu le nom, il imagina une grand-mère. En regardant de plus près, il s'aperçut rapidement que les géniteurs n'étaient mentionnés nulle part en dehors d'une mention « décédée ». Dutilleul n'avait pas besoin de traduction. Il savait parfaitement ce que cela voulait dire en langage administratif. Il apprit également que Philippe Touvenot était rentré dès 8 ans au Tournel et qu'il n'avait jamais trop fait parler de lui. C'était un bon élément qui travaillait tout seul. Ses résultats tournaient autour de 14, ce qui n'était pas mal. Dutilleul l'interrogerait pour la forme, à moins que Bellegarde ne s'en charge. On ne savait jamais. Un autre interpellé attira également son attention, car celui-ci semblait très nerveux. Il ne cessait de se tortiller sur sa chaise, sans que cela lui apportât le moindre réconfort. Là, Dutilleul sentait l'animal pris au piège, mais absolument pas résigné. Soudain, il se rappela que c'était lui qui avait résisté à l'arrestation. Il fallait agir avec précaution, car avec ce genre d'individu, il n'était pas à l'abri d'un incident. Il consulta son dossier, Carlo Simeoni, un Corse installé sur le continent. Papa avait visiblement bien réussi dans les affaires. Devait avoir le bras long. Il faudrait donc redoubler de prudence. Pourtant, à y regarder de plus près, le garçon n'était vraiment pas typé. Certes, la peau était un peu sombre, mais cela semblait plus le reste d'un hâle qu'autre chose. Il était grand et avait 16 ans, les yeux verts. En revanche, il était déjà en guerre contre une acné envahissante. Les cheveux étaient raides et bruns, coupés en brosse. Là, Dutilleul n'aima pas non plus le regard qui était un rien fiévreux. Sans doute préparait-il sa défense. Certainement le plus coupable de tous. Tout dans son attitude le trahissait. Il ne fallait pas être grand clerc pour voir qu'il savait qu'il avait mal agi. Seulement il était trop tard pour y penser, et se ronger les ongles jusqu'au sang ne lui apporterait pas pour autant la clémence des juges. Commençait-il à se dégriser? L'enfant ne tarderait sans doute pas à reparaître, mais les choses iraient bien au-delà de la simple brimade. Tout à coup, Dutilleul eut mal pour ceux qu'il ne pouvait considérer que comme des gamins. Ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Seulement cette fois, il devait placer Agathe Grimbert dans l'autre plateau de la balance. Un acte pareil ne pouvait trouver la moindre justification. Il jeta ensuite un regard rapide aux 2 derniers interpellés. Il décida de les voir plus tard. Visiblement, ils ne jouaient pas dans la même catégorie. Dutilleul s'accorda une pause avant d'attaquer par Deux Serres.